passé. L'année d'Allah, c'est même pareil. L'année prochaine, c'est qu'elle la même chose. Divinez ma béqué d'isote. Au monde, dis-moi ça, c'est un secret. L'année d'Allah, c'est même pareil. L'année prochaine, c'est qu'elle la même chose. Prochaine fois, moi, qu'elle d'isote, ça. Secret.